Mohumbu yokote azalaka na bakonzi babale Nzoto yo suka na nga wana Bote molimo santu ane mangana lola Mon ami, de tous les temps, aujourd'hui t'aimes à l'éternité, de la joie aussi dans la détresse, par ton sang, mon nom et tes esprits, plus personne pourra nous séparer de ton amour, que le Dieu est venu à mon secours, Emmanuel. Moi je t'aime, oh Jésus, sois mon ami. Aujourd'hui, t'es malade.